Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Ça y est, tout est prêt. Oh, il n'y a que la vulgaire vente de garage des voisins qui vient tout gâcher. J'ai eu beau insister, ils ont refusé de la reporter. Heureusement, le jardin est à l'abri de cette ignominie. Peut-être, en y escortant rapidement mes invités, ne remarqueront-ils pas cette vulgarité. On ne peut que l'espérer. Ah, parlant d'invités, voilà que j'aperçois M. Courtemèche. Il y a beaucoup de monde. Je croyais pas que les gardiens de partie de Mme Coudon étaient si fréquentés. Justement, parlant d'elle, je la vois qui m'attend. Ah, monsieur Courtemèche, vous êtes venu! Quel plaisir de vous voir! Hey, bonjour, madame Coudon. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Fatiguée? Un peu. Pourquoi, ça paraît? Ah non. C'est juste que, avec tout ce monde-là, vous devez être super occupée. Oui, en quelque sorte. Mais ne restez pas là. Venez que je vous montre... Sur ces tables, alignées le long de la haie, vous avez le buffet froid. Hors d'œuvre variés, sandwichs, crudités. Par ici, les bouchées sucrées. Macarons, fudge, sucre à la crème. Et tout au bout, les boissons. Vin, limonade, jus variés, thé et café. Wow! Vous n'avez pas ménagé vos efforts, hein? Et le tout protégé des mouches et du soleil par des cloches réfrigérées. Sauf pour les boissons chaudes, bien sûr. Bien sûr. Vous avez tout préparé vous-même? Oh, certes non! J'ai engagé un formidable traiteur à qui je fais toujours appel pour ces occasions. Festin Carmin. Leurs services sont quelque peu dispendieux, mais toujours satisfaisants. Mais suivez-moi que je vous montre le jardin. Jolie maison. Merci! Un legs de mon quatrième mari. Et voilà! Très jolie cette allée fleurie. Vous aimez jardiner? Pas du tout! Un jardinier vient chaque semaine s'occuper des plantes. J'en suis plutôt satisfaite. Et là-bas, un gazebo? Oui! Et à côté, un bassin avec au centre une fontaine. Ainsi, je dispose d'un coin de fraîcheur lors des journées d'été torrides. Comme vous pouvez le voir, chaises et fauteuils sont disposés ici et là, autour du bassin, sous les arbres. Et la boîte bleue? La boîte bleue? Oui, la boîte bleue, là. Partiellement camouflée derrière la fontaine. Ah, ça? Ah, c'est temporaire. Mais encore? Que pour la journée. Je vois, mais qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où se retire discrètement un invité si par malheur il est pris d'une envie pressante. Une toilette? Chimique. Il n'y en a pas dans la maison? Bien sûr que si, mais nul n'entre dans la maison. J'ai organisé un garden party, monsieur Courtemèche, pas un house party. Je veux bien, mais... Vous m'excuserez, monsieur Courtemèche, mais je dois voir à mes autres invités. Surtout, faites comme chez vous. Faites comme chez vous, que dire. Mais si vous avez envie, retenez-vous. Ou alors, c'est la toilette chimique. Nous sommes des invités, mais nous ne sommes pas assez bien pour utiliser les installations sanitaires de la maison. Personne n'entre dans la maison. J'ai organisé un garden party, pas un house party. Bon, ça ne me sert à rien de m'attarder sur les travers de Mme Coudon, mais... À son âge, je ne la changerai pas. Ceci dit, je me demande bien où sont passés les autres. Surtout Pépère. Il était supposé m'accompagner, mais quand je suis allé sonner chez lui, ma mère m'a dit qu'il était déjà parti. Bizarre quand même que je ne l'ai pas encore vu. Ah, peut-être qu'il a eu à s'arrêter en chemin. C'est d'herculon que je suis venu à ce garden party. J'aime bien cette chère Artémise, mais ces événements sociaux m'ennuient à mourir. Ce qui explique que je me vois agréablement surpris aujourd'hui. Quelle merveilleuse idée d'avoir organisé une vente de garage à même le garden party. Cela provoque un intérêt et un achalandage certain, à voir la circulation générée dans ce quartier habituellement soporifique. J'adore les ventes de garage. On ne sait jamais quand on y trouvera la perle rare. Déjà, j'ai mis la main sur un fantastique petit bidule. J'ignore complètement de quoi il s'agit, mais je suis certain que je pourrais le revendre à prix d'or. Ah, traître ! Pardon ? Comment osez-vous ? Comment ? Venant de vous, je ne peux le croire. Vous me brisez le cœur. Mais... Artemis ! Réveil maudit. Je suis en retard. Quand une journée porte croche, impossible de la redresser. J'ai manqué mon saut du lit, j'ai manqué mon déjeuner, j'ai manqué mon autobus, j'ai manqué mon rendez-vous à l'église. Je suis sur le point de manquer le garden party de Madame Coudon. Et moi qui n'ai encore rien mangé, je suis affamée. Et j'ai mal aux pieds. Pas l'habitude de courir. J'espère au moins que j'ai noté la bonne adresse. Je ne suis pas familier avec ce quartier huppé. Je suis loin du secteur de ma tournée. Une intersection. À gauche ou à droite? Vérifions mes indications. Quel est le nom de cette rue déjà? Bertrand Rodrigue. Bertrand Rodrigue. Oh, misère. Pas de Bertrand Rodrigue. Tout Jésus, je suis perdu. Ah, quand une journée porte croche. Bon, ben, je n'ai pas le choix. Il faut rebrousser chemin. Et ce, jusqu'à ce que je rencontre une rue que j'ai notée dans mes indications. Sainte Malvina, veillez sur moi. Oh boy, c'est pas bon pantoute. Je suis late pour le garden party de Mrs. Coudon. Une réparation à l'autre bout de la ville qui a pris plus de temps que je pensais. Well. C'est que je vois là, sur le coin de rue. Eh, ben c'est le témoin. Ah, je me demande ce qu'elle fait ici. Sa rue ici, c'est pas sur ce chemin pour aller chez Mrs. Coudon. Elle a l'air bien découragée. Ah, peut-être que je peux l'aider. Juste besoin d'arrêter ma truck. Hi! Vous? Yeah, it's me. Oh, mon très cher monsieur. Es-tu en voiture à la garden party de Mrs. Coudon? Oui, en effet. Mais je crains de m'être perdu en chemin. Oh, OK. Tu veux-tu un lift? J'y vais et tout. Je ne serai pas de refus. OK, then. Embarque. Mille fois merci, mon très cher monsieur. Je suis si as. Vous me sauvez la vie. Well, I wouldn't say that, but you're welcome. Artemis, ouvrez-moi. Tiens, tu es là, toi? Pas comme tu vois. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'entrer. Ouais. On n'a pas le droit de rentrer dans la maison. Si t'as envie, il faut que tu te retiennes ou que t'ailles dans la boîte bleue. La boîte bleue? Ouais, c'est une toilette chimique que Mme Coudon a fait installer temporairement dans son jardin. Hi! Hey, look what I found! Témoin? Oh, vous avez une mine épouvantable. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, il s'avait perdu, pas bien loin de cette, sur une petite rue. Il a été chanceux que je passe par là. Sinon, il sera encore là-bas à attendre pour un miracle. Ça fait-tu longtemps que t'es ici, toutes les deux? Ah, pas mal, oui. J'ai eu le temps de visiter le buffet puis le jardin à vous attendre. Moi aussi, ça fait un moment. Le temps de parcourir la vente de garage de ce côté de la pelouse. Yeah, j'ai vu ça. Une garage sale dans une garden party. Hey, c'est bien la première fois que j'ai vu ça. Where's Mrs. Coudon? Dans la maison. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bonne question. Tu l'as vue aujourd'hui? Ah, sûr. C'est elle qui m'a fait faire le tour du propriétaire. Elle t'a paru bizarre? Bizarre? Non, pas vraiment. Égale à elle-même, je dirais. Pourquoi? Comme je le disais, je fréquentais sa vente de garage lorsqu'elle est apparue subitement et m'a traité de traître. Puis, elle a fui à l'intérieur. Elle y est enfermée depuis. That's strange, n'est-ce pas? Et tu ne vois rien dans ton comportement qui pourrait motiver une telle accusation? Avant cet éclat, je ne l'avais pas encore vue. Comment aurais-je pu la trahir? Et le papa, il est-tu avec toi? Oh, nom de Zeus! J'avais oublié, lui. Where? À son place? Ah, ça aurait pu, mais non. Je pensais que t'étais supposé de venir avec. Ah oui, c'est ça qui était convenu, mais au moment de le prendre, j'ai appris qu'il était déjà parti. Depuis, aucune trace. Quelqu'un a un téléphone? Why? Ah, je vais appeler ma mère pour voir si elle a eu de ses nouvelles. Tiens, prends le mien, mon polo. Ah, merci, mon vieux. Ah, une chance que t'en avais une. Moi, j'ai pas de cell phone. Et toi, le témoin? Moi non plus. Puis, le papère? Ma mère dit qu'il devait passer par la pharmacie, mais qu'il se rendait ici tout de suite après. En principe, il devrait être là. Et tu ne l'as pas aperçu dans le jardin? Eh non, j'ai vu personne derrière la maison. On est mieux de la chercher. Il est pas tout jeune. Oui, c'est une bonne idée. Organisons une battue. Pris de malaise, il a peut-être écroulé quelque part sous un buisson. Ah, je fais le devant de maison. Sous les tables du garage sale, celle de la buffet, la haie. Toi, tu t'occupes de la derrière avec le témoin. Ouais, vous avez raison, témoin. Vous semblez complètement lessivé. Vous allez devoir m'expliquer un jour ce qui vous est arrivé. En attendant, creusez-vous dans les marches là, et reposez-vous. Toi, tu viens? Non, mon polo. Je crois qu'il est préférable que je tente encore de parler à Optimise, afin d'éclaircir la situation. J'ai bien des défauts, mais je ne suis certes pas un traître. Ah, ok, d'abord, à plus tard. What the hell are you doing so far from me? As if distances didn't matter. As if we could access any tilly border. Love, I wonder how you live down there. Are you the one who's away? But I'm the one in exile. It's not fair. I want you in my life. I want in our bed right now. It's not fair. You're still the biggest jewel, but I feel like a grain of sand. Love, remember how you couldn't live without me. Even for a week, even for a single day. Love, now that you caught me in a temporal trap. One day far from you is a hero away from me. It's not fair. I've changed your damn life. It is splitting me apart. It's not fair. You have changed the book rules. I feel like I'm losing you. And it's not fair. Oh no. It's not fair. Oh no, no, no, no, no. It's not fair. Allez, Artemis, laissez-moi entrer. Ah, je vois que t'es encore embarré dehors. Oui, en effet. Elle peut se montrer têtue, cette chère Artemise. Ah, je pense que je sais pourquoi Mrs. Coudon a dit que t'étais une traître. Vrai? Yeah. Je pense que c'est parce que le garage sale, c'est pas Mrs. Coudon qui l'a organisé. C'est sa voisin. Vous voulez dire, cette vente de garage ne fait pas partie des activités du garden party? That's right. J'aurais dû m'en douter. C'était une trop bonne idée pour venir d'Artemise. So, quand t'as vu au garage sale, elle a obviously pensé que t'étais plus intéressé par le garage sale que par ce garden party. Enfer et damnation! Comment pouvais-je deviner que la vente de garage ne faisait pas partie du garden party? La division entre les deux propriétés n'est vraiment pas claire de ce côté. Pas de buisson, pas de haie, comme de l'autre côté. En fait, j'aurais juré qu'elle se déroulait sur sa pelouse. Well, now you know. Good luck. Moi, je retourne chercher le pépère. C'est bon. Merci, Mac. No problemo. M'accuser publiquement de traître parce que je fréquente une vente de garage qui se tient chez elle, bien qu'elle ne l'ait pas organisée. Elle va m'entendre, l'Artemis Coudon, mais pas devant la maison. Il y a trop de bruit et trop de monde. C'est gênant. Je crois me rappeler qu'il y a une porte derrière. Vous m'excuserez, témoin, je vais voir si je pourrais plus facilement accéder à Madame Coudon par derrière. Mmh. Oh, certes. Allez, ne vous occupez pas de moi. C'est ce que je vais faire. Merci, témoin. Ouais, mon polo! Yep. Papa! Je l'ai pas vu! Je me demande où il est passé, celui-là. Ah, voici la porte arrière. Une porte jardin donnant sur le patio. Je ne me trompais pas. Enfer! Barré également! Voilà qui ne simplifie pas les choses. Oh, mais qu'aperçois-je? Là, une fenêtre ouverte. Il n'y a que le moustiquaire à retirer. Ce qui, en principe, devrait s'avérer nettement moins difficile que d'enfoncer la porte ou d'en crocheter la serrure. Petit hic insignifiant, il s'agit d'une fenêtre du sous-sol. L'espace pour s'immiscer me paraît légèrement étroit. Bof, je suis bien passé par une fenêtre semblable, jadis, quand j'entrais un peu tard chez mes parents et voulais éviter de les réveiller. Sûr que je n'ai pas tant grossi depuis. Mettons-nous à l'œuvre. Voilà, le moustiquaire est retiré. Oh, je l'ai un peu plié. Je ne connais pas ma force. Bah, en le replaçant, je lui assènerai quelques coups et il n'y paraîtra plus. Et maintenant, pénétrons. Pied ou tête devant? Voyons voir. Ah, il y a un canapé des sous pour me recevoir. Tête devant. Cette position m'offrira davantage de traction avec les pieds. Allons-y. Sans doute passer les bras avant tout. Non seulement afin de me recevoir sur les mains au moment de ma chute, mais également afin de dégager de l'espace le long de mon corps. Hop, c'est le moment. Les bras passent sans problème, la tête également. Il semble que les épaules... Peut-être en passant une à la fois. Il semble que lorsque j'empruntais cette voie pour rentrer chez mes parents, j'ai été beaucoup plus mince que dans mon souvenir. Ouh, cette fenêtre-ci est nettement plus petite. Ah, ça doit être ça. Bref, ça coince. Malheureusement, je vais devoir renoncer à mon projet. Extrayons-nous. Oh, je suis pris. Inutile d'insister. Je suis comme un marchand dans le temps de l'impôt. Je ne m'en tirerai pas seul. Mon polo! Au secours! Mon polo! Que se passe-t-il ici? Vous? Mais que faites-vous là? Ah, je vois! Vous tentiez de pénétrer chez moi par derrière et par infraction. Comment osez-vous? On appelle ça une violation de domicile, monsieur. Retirez-vous, j'appelle la police. Allez, oust! Mais qu'attendez-vous? Vous êtes coincé? Et vous le voyez bien. Et cela parce que vous teniez à me parler? Pauvre ami. Mon polo! Mon polo! Ah, c'est étrange. J'ai l'impression qu'on m'appelle. Ah, mais oui, je rêve pas. On m'appelle? Puis ça semble venir de la maison. Allez! Au secours! Tu peux arrêter de t'époumoner, je suis là. Enfin! Tu peux m'expliquer ce que tu fais là? Je cueille des pâquerettes. Non, mais tu le vois bien, je suis coincé! Oui, ça je le vois bien. Mais ce que j'aimerais savoir, là, c'est pourquoi t'as essayé de rentrer par cette fenêtre? Je voulais parler à Artemis, et les portes sont barrées. T'as un cellulaire, non? T'as pas pensé à lui téléphoner? J'en conclue que non. Je l'entends rire. Qu'est-ce que t'as pu lui dire de si drôle? Rien. Elle est malade, c'est sûr. Elle n'arrête pas de rire. Elle me regarde et elle rit. Ça doit être contagieux parce que moi aussi, quand je te regarde, j'ai envie de rigoler. Charmant. J'apprécierais que tu m'aides plutôt que tu te moques. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, moi. Tire sur mes jambes. Ah, OK. Eh boy! Sont lourdes tes jambes! Si tu me sors de là, promis, je commence en régime. Tire! Aide-toi un peu! Mais qu'est-ce que tu penses que je fais? Ça par rapport! Arrête tes jérémiades et tire! Non! Non, ça sert à rien, mon vieux. T'es pris comme un pygmée dans une crise de croissance. On va avoir besoin d'aide. Ma vieille! Ici, Mac! C'est à qui, les pattes? À l'annonceur. Il est Jimmy? Yep. Ah, wait a bit. Je vais aller chercher mon Grace dans ma truck. C'était Mac? Oui. Et qu'a-t-il dit? Qu'il allait chercher de la Grace dans son camion. Ok, toast-toi un peu, mon vieil. Ah, bouge pas, là. Je vais te mettre de Grace là où t'es Jimmy. D'accord. Mais tâche d'éviter d'en mettre sur mes vêtements. Ah, ça va être dur. Ton shirt est pogné entre ta peau et la frame de la châssis. Bon, j'y vais, là. Hey, je t'ai dit, bouge pas. Je peux rien. Je t'ai touillé. Bon, OK, j'ai fini. Astor, mon vieil, tu vas prendre une patte, puis moi, je vais prendre l'autre. Puis si le Mrs. Coudon est capable d'arrêter de rire, elle peut pousser sur son tête. Tout le monde, il est prêt? Prêt. Go! Hey. Oh. Aïe! Stop! Aidez-moi à le relever, mon vieil. Il a atterri son nez droit dans les fleurs. Ce ne sont pas des fleurs. J'ai le nez plein de terre. Je pense pas que c'est du terre. Du compost? Well, kind of. Coming from sheep. Pauvre ami. Pauvre ami, pauvre ami. Vous n'êtes même pas fichu de me plaindre sans avoir envie de vous esclaffer à nouveau. Ah, je n'y peux rien. Vous êtes trop drôle. Bon, mais c'est pas tout ça. Y a-tu quelqu'un qui a trouvé la pépère? Parce qu'il est pas en avant, ça c'est sûr. J'avais pas encore tout à fait fini de fouiller le jardin, mais... Non. Pas de trace de lui. La dernière fois que je l'ai aperçu, il m'annonçait vouloir faire usage de... La toilette chimique. Pépère! Pépère! Êtes-vous là? Yeah, elle est bien là! Pépère, êtes-vous correct? C'est toi, ça, mon hun? Oui, c'est moi. Je suis avec Mike. Je suis pris, mon hun! Je suis plus capable de sortir de cette basse-ouelle de Bécosse! C'est au bout de là! Je suis poigné ici depuis je sais plus quand! On s'en occupe, pépère! Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on essaie d'y faire ouvrir la porte. Allô, pépère? As-tu toi, l'anglais? Yeah, it's me! C'est quoi le problème? C'est-tu la catch qui est jamais? La patente qui slide pis qui barre la porte. J'ai bien vu qu'elle était bien dure quand je l'ai mis, mais je pense pas que je sois plus capable de l'ôter basse-ouelle de basse-ouelle! Ah, tu peux-tu essayer encore? Hey, ça sert à rien, l'anglais! J'ai pas arrêté de gigonner avec quand j'ai voulu sortir! Elle veut pas bourrer d'un poil! Ok, le pépère. Wait a bit! Il est là-dedans? Ouais, embarré. Mon doux! Tout ce temps enfermé dans le... dans la... Que peut-on faire? Je vois juste deux choses. On peut driller un trou dans la porte, assez grand pour que je puisse rentrer mon main et débarrer la porte moi-même. Oh, bonjour les frais! Ce plan ne fera pas plaisir à la compagnie qui m'a loué cette installation. J'imagine que non. Or, j'essaie d'ôter le white roof sur le top et on essaie de sortir la pépère par là. Si vous pouvez ensuite déverrouiller la porte de l'intérieur et reposer ce toit blanc, ce serait sans doute le plan idéal. Well, pour toi, c'est sûr. Pour le pépère, I'm not sure. OK, OK. On essaie le plan numéro 2. Si ça foire, on percera dans la porte. Qu'est-ce qui se passe, mon reine? Tu vas-tu me sortir d'ici ou pas? Oui, pépère. Ce sera plus long, là, à cette heure. Je vais aller chercher mon ladder. Bon, la top y est ôtée. J'ai mis une beam instead on which mon vieil et moi, on va grimper. Pendant ce temps, je me tiendrai dans l'échelle pour tirer et guider Monsieur Pepper lorsque vous l'aurez extrait de la cabine. J'ai tout compris. Allons-y. Ah, ben salut, mes hernes! Ben content de vous voir. Ah, nous aussi, pépère. Êtes-vous prêt? Je peux pas être plus prêt que ça, mon hun. OK, let's do it. La pépère, tu grimpes sur la toilette. Mon vieil, toi, tu pognes sa brodrette, moi, je pogne l'autre. Puis on tire en même temps. Oublie pas, en même temps. Everybody's ready? Go! Boys, boys, wait! Hey, Jago! Ça y est, il est sorti! Ah, par ici, par ici. Allez, Monsieur Pépère, dirigez vos jambes vers moi. Ça y est, je le tiens. Doucement. Allez, Monsieur Pépère, laissez-moi guider vos pieds. Allons, toi de là, le radio. Je suis encore capable de descendre une échelle, Boswell. Soit, si vous le dites. Bravo! Quelle belle opération de sauvetage! Vous avez tous mérité de vous restaurer. Allez, tous au buffet! La roof du Blue Box? Oh, il sera toujours temps de le remettre en place plus tard. Ça va-tu, pépère? Ah, ça va, mon reine, ça va. Merci de m'avoir sorti de là. Ah, mais c'est pas mal bon, ces petits muffins-là! Excellente salade! Ainsi, cher ami, la vente de garage, c'est bien vrai? Vous ne l'avez pas organisée? Cette vulgarité? Jamais! Oh, too bad! Too bad? Comment too bad? Songez, avec tout cet achalandage, aux donateurs potentiels pour une de vos causes fondamentales. Ah oui, je n'y avais pas songé. Vas-y, Maron. Avec tout plein de monde de même sur ta terrasse, ça sera pas mal moins dur que de cogner à toutes les portes que tu connais, tu sais. Ma foi, vous avez raison. Parlant de portes qu'on connaît, où est le témoin? La dernière fois que je l'ai vu, il était écrasé sur les marches du perron en avant. Yeah, well, he's not there anymore. Non, il n'y est plus. Oh, nom de Zeus. Pas un autre qui a disparu. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes Carole Bassani dans le rôle de Madame Coudon, Gabriel Jean dans les rôles de Mac, de Pépère et de l'Annonceur, et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche et du témoin. La chanson Too Far, interprétée par Kael, et la pièce instrumentale Summer Dance sont de Christian Martin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives et est une production 2014-2015 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.